Je me lève pas trop tôt, j'ai peur de m'ennuyer. Le cerveau à zéro, le starter arrêté. Je fais ce qu'il faut faire, je peux pas rester en place. Je suis mal à la fête, le temps passé passe. Je chante pour vibrer, pour tendre le ressort. Je chante tant que je suis sans effort. J'ai l'énergie du désespoir.